Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui l'a sanctifiée, et à lui toute chose, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans.